Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Bonjour Franck, cet après-midi nous nous intéressons au peintre Fra Angelico. Bonjour Omblin, bonjour à tous. Nous allons parler de Fra Angelico, en effet, en compagnie de Stéphane Guégan, qui est conservateur au musée d'Orsay et auteur d'un nouvel album magnifique sur la peinture. Et puis à la fin de l'émission, je reviendrai sur l'origine des 13 desserts provençaux pour répondre à la question de Nanou via la page Facebook de l'émission. Pour le moment, nous prenons donc la route de Florence. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dans cette période de vacances, si vous êtes à Paris ou si vous y venez, n'hésitez pas à vous rendre au Louvre et à vous faire indiquer le salon carré. Et quand vous serez arrivé dans ce grand salon historique du musée du Louvre, rendez-vous avec toute la révérence nécessaire, approchez-vous à petits pas de ce qui est à mon avis un des grands chefs-d'œuvre de ce musée, ce panneau extraordinaire du couronnement de la Vierge. Voici une explosion de couleurs où domine l'outre-mer et l'or. Voici une musicale apothéose sur fond de trompes célestes. Vraiment, c'est un tableau extraordinaire en ce qui me concerne. Il a marqué ma jeunesse et la première fois que je me suis rendu à Florence, évidemment, je n'ai pas manqué de me rendre au couvent San Marco. C'est là que non seulement résidait, mais c'est là qu'a peint Fra Angelico, puisqu'il est l'auteur de tous ses chefs-d'œuvre. Fra Angelico était en effet un moine, c'était un moine dominicain, et il était dans ce couvent un peu celui qui était affecté à la, j'allais dire, à la peinture en prière ou aux prières peintes. Nous allons voir comment il faut considérer les choses. Voilà ce que nous dit le père Joël-Marie Boudarois, qui est un frère dominicain lui-même. Il nous dit « Le voyageur n'arrive pas, Piazza San Marco, sans ressentir quelque émotion. Face au couvent qui abrita Fra Angelico, mais aussi Saint Antonio Pierozzi, futur archevêque de Florence, et frère Jérôme Savonarole, il se trouve devant un lieu de mémoire. Une visite du couvent Saint-Marc le fait entrer de plein pied dans la tradition dominicaine si merveilleusement illustrée par Fra Angelico à travers une série d'homélies peintes. » Vous voyez que je suis loin d'être le premier à employer ce genre de métaphore. Les travaux de San Domenico avaient commencé assez tôt. Nous allons revenir sur toute cette histoire, bien entendu. Nous allons voir comment Fra Angelico a réalisé, avec l'aide de ses disciples, bien entendu, l'un des plus beaux cycles de fresques de toute l'histoire de l'art. Une allégorie théologique qui dépasse toute pédagogie, nous dit Georges D.B. Huberman, se fait matière colorée, atteint les sommets de la picturalité comme telle. Et je cite de nouveau le père Boudarois. À peine entré dans ce couvent inondé de lumière, on aperçoit au fond de la première aile du cloître l'image de Saint Dominique agenouillé au pied du crucifix. Cette image indique dès l'entrée le programme de la vie religieuse dominicaine, se tenir au pied de la croix dans la joie, la douleur et la gloire avec le Christ et annoncer à tous que l'espérance du salut réside dans le sang versé par l'agneau de Dieu immolé sur la croix. Fra Angelico nous rappelle que Saint Dominique se sentit appelé à répandre dans le monde cette bonne nouvelle et à fonder un ordre de frères qui, en épousant le style de vie des apôtres, continuerait à travers les siècles cette œuvre d'évangélisation. Alors, évidemment, il ne faut pas s'en tenir au cloître, ni même au réfectoire où Fra Angelico a peint le Golgotha. Il faut monter dans les étages, ce que tout le monde, pendant très longtemps, n'a pas pu faire. On sait notamment que Vasari, lorsqu'il est venu au couvent San Marco, s'en est tenu aux grandes fresques du bas, si je puis dire, et qu'il n'a pas eu la chance de découvrir les fameuses cellules des moines qui sont peintes, qui ont été Est-ce qu'on peut dire décorés par Frangelico, qui en tout cas ont été enluminés par lui, ça incontestablement, dans les 44 cellules de l'étage supérieur. Les fresques constituent donc cette espèce de cycle tout à fait unique. Dans la cellule 5, le thème de la nativité, la nudité du nouveau-né déposée à même la terre, rappelle, nous dit le père Boudarois, rappelle aux frères que Jésus a été pauvre dans sa vie et qu'il lui faut marcher lui aussi dans la voie libératrice de la pauvreté. Dans la cellule 7, le Christ aux outrages propose aux frères y habitant de méditer le mystère de la passion et de comprendre ce qu'éprouve l'amour quand il n'est pas aimé. C'est assez intéressant de constater que chacune de ces fresques, qui sont d'ailleurs disposées de manière quasi aléatoire sur les murs des cellules, et des cellules qui sont par ailleurs d'une austérité absolue, et donc il y a évidemment ce contraste incroyable entre la peinture du frère, entre la peinture de Fra Angelico, et puis la nudité même des murs des cellules. Chacune de ces peintures propose un thème de méditation, offre une prière en quelque sorte et constitue par ailleurs un des sommets d'un art que Fra Angelico est en train de bouleverser et de tirer vers des sommets. Voilà un homme qui, dans le monde de l'art, aura été incontestablement un pionnier. En peignant chacune de ces petites chambres, nous dit toujours notre guide, le peintre se glissait dans les draps du confrère qui l'habiterait et s'aidant de la lumière d'une bougie, car la fenêtre en contre-jour n'offrait pas de clarté suffisante, il travaillait activement en s'accompagnant par la prière. Il est certain que chacun au couvent méditait les Saintes Écritures dans sa cellule, eh bien il n'avait qu'à lever les yeux pour avoir en quelque sorte une prise directe sur le ciel. C'est sans doute ce que voulait Fra Angelico, c'est ce à quoi il est arrivé évidemment. Tito Chenti nous dit « Pour comprendre ce cycle pictural de San Marco, le visiteur d'aujourd'hui doit bien saisir le but de l'artiste. Il entendait suggérer aux divers religieux une pensée à méditer, mais il n'aurait jamais imaginé que ces petites cellules seraient un jour parcourues presque quotidiennement par une foule de curieux. Ces peintures sont liées entre elles, non pas par une succession de lieux, mais par cet unique mystère de salut que les frères connaissaient bien à travers les textes évangéliques. Nous étions en présence d'une œuvre destinée à la plus totale intimité, et la voilà aujourd'hui offerte à la foule des curieux, des touristes, des amoureux de l'art. » Des anges musiciens aux longues trompes, des annonciateurs de la naissance de Jésus aux ailes très colorées, les fresques et les panneaux et les tableaux de Fra Angelico sont très célèbres, bien entendu. Je viens de vous parler des cellules du couvent San Marco de Florence. Il faudrait parler aussi de la chapelle privée du pape Nicolas V au Vatican. On en dira un mot dans un instant avec Stéphane Guégan. Je vous ai parlé aussi de ce couronnement de la Vierge qui est tellement facile à voir puisqu'il est à notre disposition, nous autres Parisiens et français. Qui est-il ce Fra Angelico, enfin, celui qu'on connaît en tout cas sous le nom de Fra, c'est-à-dire de frère Angelico? Il s'appelait Guido di Pietro, parce que son père s'appelait Pierre, tout simplement. Oh, il est né dans un milieu extrêmement modeste. Giorgio Vasari, vous savez, qui a écrit la vie de tous les grands peintres de la Renaissance italienne, nous dit qu'il était d'un talent rare et parfait. Il a consacré à Fra Angelico quelques-unes de ses pages les plus célèbres et il lui a donné, bien entendu, il a accompagné cette vie de toutes sortes de légendes. Il dit notamment que jamais Fra Angelico ne se serait mis à peindre sans d'abord faire une prière, que ses pinceaux et ses brosses étaient eux-mêmes constamment bénis et sacrés, qu'il était dans un état quasiment de transe religieuse lorsqu'il peignait et qu'il n'a jamais retouché une seule de ses compositions parce que, d'une certaine manière, il estimait que tout ça lui était inspiré de voix divine et qu'il ne lui appartenait pas à lui, en tant qu'artiste, en quelque sorte, de remanier ce que l'esprit lui avait dicté. L'incertitude et la rareté des souvenirs anciens, nous dit Vincenzo Marchese au milieu du XIXe siècle, les effronteries même de ceux qui prétendaient y suppléer par des songes et des romans ont si étrangement perturbé la biographie de l'Angelico que mettre en lumière la vie de celui-ci et discerner le vrai du probable et le probable du faux n'est pas chose aisée. Et évidemment, Nous arrivons à la première énigme de cette émission, qui ne serait pas ce qu'elle est, sans mystère, n'est-ce pas? Oh, c'est un peu un serpent de mer, disons-le, dans le monde de l'histoire de l'art. C'est la question de la date de naissance de Fra Angelico. Vous savez, c'est un peu le genre de question qu'on pose aux étudiants en première année d'histoire de l'art. Et c'est vrai que c'est un sujet qui, en soi, est très intéressant, parce que, au-delà de l'exactitude historique même des faits de la naissance de Fra Angelico, ça pose un certain nombre de questions sur la nature de son inspiration et sur le contexte dans lequel ont été peintes ses premières œuvres. Il n'y a pas dans ce domaine de certitude absolue. La tradition veut le faire naître en 1387 ou 1388, mais ce qu'on appelle la nouvelle chronologie nous dit qu'il serait né en vérité beaucoup plus tard, en 1400, certains disent même après 1400. Bon, ça fait quand même 15, même pour, si vous prenez les hypothèses extrêmes, ça fait 20 années d'écart, c'est énorme. Et en même temps, encore une fois, c'est très important parce que si vous le faites naître, comme la tradition, dans les années 1380, ça veut dire qu'il a commencé à peindre dans la vie civile, qu'il n'est entré dans les ordres qu'après. Alors que s'il naît beaucoup plus tard, comme le dit aujourd'hui la nouvelle chronologie, comme on l'appelle, c'est-à-dire aux alentours de 1400 ou même après, alors toutes les œuvres de Fra Angelico auraient été peintes une fois le peintre devenu religieux et ce serait en soi toutes des œuvres religieuses. Ça pose donc un véritable problème à la critique, bien entendu. La critique moderne ne cesse de repousser la date de naissance de Fra Angelico. Il y a aussi un certain nombre d'esprits rétifs qui, au contraire, ont tendance aujourd'hui à faire remonter cette date dans le temps. Je vais poser la question dans un instant, évidemment, à notre invité et je m'en tiendrai à son avis pour ce qui me concerne, car je vous avoue n'avoir pas d'avis très arrêté sur la question. Alors, je vous ai dit que son père s'appelait Pierre. Pierre était un paysan. C'était au départ sans doute un agriculteur, aisé probablement, peut-être un fermier. On ne sait pas grand-chose de la famille de Fra Angelico. On ne sait rien du tout de sa mère. On sait qu'il avait un frère Benedetto qui lui-même est devenu moine bénédictin. Il avait une sœur, Cheka, qui a eu un fils, Giovanni, et ce fils est devenu par la suite, beaucoup plus tard, l'assistant du maître en ses vieux jours. Voilà à peu près tout ce qu'on sait de cette famille, sinon qu'elle a tout de même, et ça c'est très important, quitté tôt la campagne. Il y a déjà un exode rural, on pourrait dire, au tournant du XVe siècle. Cette famille est venue s'installer à Florence et imaginez ce que peut être la Florence de l'an 1400. C'est tout à fait extraordinaire. C'est une efflorescence quasiment sans exemple dans l'histoire, avec des artistes partout. La ville, nous dit Cenci, vivait dans l'euphorie et l'expansion politique et commerciale. Les arts fleurissaient littéralement, favorisés par l'éclosion soudaine d'hommes d'exception qui, dans les premières décennies du XVe siècle, firent de la patrie de Dante et de Giotto le berceau de la Renaissance. Les imposantes structures de la cathédrale inachevée étaient là au milieu des habitations pour témoigner de la foi du peuple florentin en son Dieu et en lui-même. Et c'est vrai que cette cathédrale a mis ce dôme, comme on l'appelle, a mis tellement de temps à aboutir, à être finalement construit, que les Florentins s'étaient habitués à voir cette espèce de chantier, à voir constamment au milieu même de la ville cette sorte d'aspiration vers les cieux. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et avec vous, Franck Ferrand, au cœur de l'histoire, nous nous intéressons au peintre Fra Angelico. Si l'on en croit Vasari, la prise d'habit du frère Angelico daterait de sa 20e année, probablement. Vous comprenez d'autant mieux l'importance, encore une fois, de ce débat sur la date de sa naissance, parce que si l'on sait que vraiment il est devenu moine à 20 ans, alors il est très important de savoir quand il est né, pour savoir si, encore une fois, il a peint avant d'entrer dans les ordres, ou si tout ce qu'il a produit a été sous l'influence de la prière, en quelque sorte, et de la vie monacale. Il a toujours été attiré par la vie religieuse, il avait choisi les dominicains, peut-être parce que c'était l'un des ordres les plus dynamiques de cette époque, qui était un ordre en pleine expansion. Le noviciat était long, vous imaginez ce que sont les pratiques dévotes, les études théologiques très approfondies, avant d'avoir le droit de revêtir cet habit blanc et noir du frère prêcheur. On est, encore une fois, dans cette ville de Florence soumise à toutes les perturbations, notamment théologiques, de ce temps. Et donc, les esprits de l'époque aspirent à une sorte de pureté, pour ne pas dire même de sainteté. la consécration totale au Seigneur dans le couvent de San Domenico di Fiesole, afin de partager le sort des pionniers de l'observance. Tel est le but, en quelque sorte, que s'est fixé ce jeune homme qui se fait rebaptiser Giovanni, comme Giovanni Dominici, qui était père de son âme. Il va devenir Fra Giovanni da Fiesole. Il connaissait déjà, semble-t-il, le métier d'enlumineur. Et il y a sans doute dans les œuvres, pourtant parfois assez monumentales, de Fra Angelico, quelque chose de l'enluminure. Il en a conservé la tradition, il l'a en quelque sorte adapté à la fresque. Nous allons voir de quelle manière. On ne sait pas vraiment qui l'a formé, ça c'est intéressant. On dit que jeune, il aurait pu être l'élève de Lorenzo Monaco. Ça suppose, entre parenthèses, qu'il soit bien né dans les dates traditionnel. On sait aussi que lorsqu'on analyse évidemment sa façon de peindre, on constate qu'il a sans doute travaillé avec le miniaturiste Gerardo Starnina. C'est tout à fait probable. Dans sa biographie, Vasari nous dit qu'il aurait pu fort confortablement demeurer dans le monde et ajouter à sa fortune tout ce qu'il aurait voulu par la pratique de ses arts qu'il posséda à fond dès son jeune âge. Mais il était par nature porté vers la douceur et vers la bonté. Pour son bonheur et sa tranquillité, et surtout pour le salut de son âme, il préféra donc se faire religieux des frères prêcheurs. Tito Centi nous précise que l'exercice d'un art ou d'un métier était interdit aux novices, aux clercs qui aspiraient au sacerdoce. Il devait se vouer à l'étude de la Sainte Écriture, de la théologie dogmatique et morale, du droit canonique, de l'histoire ecclésiastique, etc. C'est-à-dire que pendant la période de sa formation religieuse, de sa formation pour devenir moine, il n'est probablement pas possible, ou il est très peu probable que Fra Angelico ait pu développer son art et pu acquérir la maîtrise de la peinture. Le premier document où il est question d'un Guido di Pietro di Pintore, donc qui est défini comme artiste et comme peintre, date de 1417, et on a deux autres documents datés du 28 janvier du 15 février 1418 qui attestent le paiement d'un panneau peint pour l'église florentine de Santo Stefano al Ponte. Ce qui est intéressant, c'est de savoir à qui on paie. Et en l'occurrence, ce n'est pas le peintre qui est payé, mais c'est bien la communauté religieuse. Voilà. On pourrait dire que tout va un peu tout de même dans le même sens. Je suis en train là de préparer la réponse que va nous faire Stéphane Guégan dans un instant. Ce qui est certain, c'est que encore une fois, Fra Angelico peignait dans l'inspiration totale, avec une très grande rapidité d'exécution. Georges Didier Huberman nous dit « Lorsqu'on lit la trop abondante littérature consacrée à Fra Angelico, on en arrive souvent à ne plus savoir si son activité de peintre fut résolument novatrice ou transitoire ou vaguement nostalgique ou franchement rétrograde. » Et c'est vrai que les influences, notamment de la miniature, de l'enluminure, je le disais, sont très présentes dans cette œuvre. Alors que, à côté de ça, vous avez de véritables fulgurances qui peuvent déjà préfigurer un certain nombre de techniques qui ne viendront que bien après lui. La grande période d'activité, c'est entre la fin des années 1420, 1429, on va dire, et la fin des années 1430, 1438, 40. Et là, on voit le frère peindre beaucoup de retables d'église, à commencer par le triptyque de Saint-Pierre Martyr et le tabernacle des Linaiuoli. En 1435, quand l'église conventuelle de Fiesole est consacrée, il y a trois retables qui sont dus à l'Angelico. À la même période, il faut rattacher l'admirable Jugement dernier, qui actuellement est conservé au Musée national du couvent San Marco, donc à Florence. Il y a également les reliquaires de l'église Santa Maria Novella. Enfin, on pourrait citer un grand nombre des œuvres majeures de l'artiste dans cette période, dans cette décennie extraordinairement féconde. Giovanni était un vrai dominicain en même temps qu'un authentique artiste, nous dit le père Boudarois. Aujourd'hui, regarder Fra Angelico, c'est regarder un modèle de vie dont l'art se révèle comme un chemin de perfection chrétienne. Ça, c'est pour la dimension religieuse. Et vous savez qu'au début des années 1980, le pape Jean-Paul II a béatifié Fra Angelico. D'autres vous diront qu'il faut aussi faire la part de l'artiste, faire la part de l'homme épris de nouveautés artistiques et esthétiques. Vers lequel des deux penche notre invité, nous allons le savoir dans un instant. Bonjour Stéphane Guégan. Beaucoup de questions à vous poser sur Frangelico et puis à partir de lui, nous allons évoquer un certain nombre d'autres artistes qui font la matière d'un album absolument passionnant à feuilleter pendant les vacances. Extrait du Stabat Mater de Vivaldi par Michel Corboz, au cœur de l'histoire sur Europe 1 et au cœur de la vie et de l'œuvre du peintre Frangelico, avec vous Franck Ferrand et avec votre invité Stéphane Guégan, historien d'art et conservateur au musée d'Orsay, auteur des Caprices du goût en peinture, son tableau à éclipse paru aux éditions Azan. Alors avant d'entrer plus avant dans les Caprices du goût, nous revenons un moment sur Frangelico. Voilà ce que disait le pape Jean-Paul II au début des années 80, au moment de la béatification du bienheureux Frangelico, qui est devenu patron des artistes, mais qui l'était déjà par sa gloire et sa renommée. « Par toute sa vie, disait le pape, il a chanté la gloire de Dieu qu'il portait comme un trésor au fond de son cœur et exprimait dans ses œuvres d'art. Il est resté dans la mémoire de l'Église et dans l'histoire de la culture comme un extraordinaire religieux artiste. » Nous sommes donc bien en présence d'une personnalité ambivalente, Stéphane Guégan. Ambivalente et double dès le départ. Nous penchons aujourd'hui pour une naissance autour de 1400, ce qui veut dire que la vocation artistique a dû précéder la vocation religieuse de très peu, puisque vous l'avez rappelé, 1417, un premier contrat, une première trace, qui prouve donc qu'il est déjà maître de son art. Il a dû prononcer ses vœux autour de 1424. Quoi qu'il en soit, il est Depuis sa mort, en 1455, le peintre angélique, un saint, au fond, parmi les saints qu'il a peints, et depuis Vasari, un artiste qui incarne deux perfections. Au fond, Vasari est un peu comme nous aujourd'hui. Il est devant un mystère qu'il n'arrive pas à trancher et qu'il ne veut pas trancher. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de le trancher. C'est-à-dire, d'un côté, un homme qui a montré, manifesté une dévotion parfaite, un service de Dieu. Et puis, de l'autre, quelqu'un qui s'inscrit dans la modernité florentine du début du XVe siècle. Il a compris ce que Masaccio apporte à la peinture, l'espace en trois dimensions, le volume, la lumière. La lumière qui est d'essence divine. Voilà, qui est d'essence divine. Et dont Fra Angelico va faire un usage stupéfiant, au point que lui-même va réussir à prouver que, au fond, cette lumière qui semble un acquis de la modernité, eh bien, elle rejoint le message des dominicains. Hein, c'est, au fond, cette lumière qui est celle de Dieu, mais aussi celle qui, en chacun de nous, incarne une forme de conscience. Et donc Vasari nous laisse devant le mystère entier d'un homme qui a su acquérir une maîtrise totale de ses pinceaux avant de se mettre au service de la cause des dominicains et de la cause des dominicains les plus strictes. Hein, ça, la tendance des observants, c'est le retour au père de l'Église. Vous avez parlé du noviciat. Effectivement, le noviciat devait durer près d'une année durant laquelle il n'était pas question de toucher à ses pinceaux. Et Fra Angelico va traverser également une période, vous l'avez rappelé, troublée par les débats théologiques, mais aussi par la politique. Florence, qui voit alterner à la tête de la ville les grandes familles, les Strozzi pour lesquels Fra Angelico travaille, mais aussi, bien sûr, la famille qui incarne aujourd'hui Florence, c'est-à-dire les Médicis. Et quand Côme va retrouver le pouvoir au milieu des années 1430, il va installer les observants dans Florence, alors qu'ils vivaient, si j'ose dire, à Fiesole, et parce que c'était un ordre qu'on regardait comme légèrement dangereux, un peu dissident. Il va les installer et il va, d'une certaine manière, financer la restauration du couvent Saint-Marc, qui était désaffecté, et dans lequel, donc, Fra Angelico et son atelier vont travailler pendant quelques années. Vous ajoutez là une troisième branche, si je puis dire, qui est politique. Quasiment. Hein, qui est, et ça n'est pas négligeable du tout quand on parle de la Florence de cette époque, bien sûr. Alors, au milieu de ce mystère, il y a cette fameuse énigme. Est-ce qu'on peut la trancher, l'énigme de la date de la naissance de Fra Angelico? Je sais que la mode, là, depuis quelques années, est de revenir en arrière. C'est un mouvement de balancier, finalement. Mmh. Dans les années 80-90, on était allé très loin. On disait qu'il était peut-être né en 1405. Là, maintenant, on revient vers la tradition et vers 1385. Oui, alors moi je me fie aux experts. Hein, les experts penchent, enfin ceux qui me semblent les plus convaincants penchent pour une date autour de 1400, ce qui est assez vraisemblable dans la mesure où, comme je l'ai rappelé, le premier contrat interviendrait au moment où Fra Angelico approche la vingtaine. Il est aux portes déjà donc du couvent de Fiesole et de la vie monacale. On ne peut pas imaginer qu'un artiste qui ait atteint une telle maîtrise si vite n'ait pas eu une formation très poussée dans les ateliers de l'époque. Alors, vous avez parlé de Lorenzo Monaco, qui était d'ailleurs moine lui-même, hein, c'était le moine Laurent, un autre ordre. On parle de Gentile da Fabriano, artiste qui vient de Venise et qui s'installe à Florence. Et on parle également de Masaccio. Donc on pense qu'il s'est formé au moins frotté à tous ces grands maîtres de la peinture moderne. Et quand je dis moderne, j'utilise bien sûr le mot à dessein, parce que l'un des mystères de Fra Angelico, c'est où le situer dans l'histoire de la peinture. Mais c'est ça. Vous avez rappelé ses dons pour l'enluminure. Effectivement, l'atelier Fra Angelico et l'atelier vont produire des livres enluminés pour les dominicains jusqu'à sa mort. Mais il a voulu, un peu comme les artistes siennois, vous savez, les Simone Martini, il a voulu, au fond, rester un petit peu au milieu de la rivière. Hein. D'un côté, il y a l'art gothique, le gothique international, la tradition byzantine, et de l'autre, il y a la modernité qui s'ouvre. Et au fond, si Fra Angelico est pour nous aujourd'hui l'incarnation d'une forme d'excellence, c'est parce qu'il a réussi à concilier l'inconciliable. Il est à la fois archaïque et moderne. Raison pour laquelle, à partir du XIXe siècle, il va être vu comme le saint patron des anti-modernes, hein, ceux qui veulent absolument restaurer la peinture du XIVe siècle, ou perçu comme l'égal de Masaccio ou de Piero della Francesca, qui, on le sait, a regardé la peinture de Fra Angelico dans les années 1430. Donc, il reste l'homme d'un double cheminement. C'est ça, la grande question, et je pense que c'est cette affaire de conviction et de point de vue personnel. La grande question est de savoir si c'est un moine qui a mis des dons exceptionnels au service de sa foi et de son incroyable volonté de prière, en quelque sorte. C'est d'ailleurs la vision qui aurait tendance à prédominer depuis quelques décennies. Ou si, comme on le pensait plutôt, alors là, vers la fin du 19e siècle, c'était un peintre qui avait trouvé dans le monastère et chez les dominicains un moyen de trouver des commandes et de développer son art. Après tout, c'est aussi une possibilité. Ce sont les deux approches d'un même phénomène qui, quoi qu'on dise, est double. C'est bien ça que vous nous dites. Hein. Exactement. On balance au fond entre l'angélisme et le cynisme. Oui. L'angélisme consisterait à dire qu'effectivement, il n'a été que foi et dévotion, désintéressement. Le cynisme consiste à dire qu'il a utilisé, au fond, les dominicains pour faire carrière. Du reste, vous l'avez rappelé, ce sont des frères prêcheurs. Il ne s'agit pas de contempler la vérité de Dieu et de s'abîmer en prière. Il s'agit de répandre, bien sûr, les valeurs évangéliques, mais aussi la doctrine dominicaine. Il y a là, me semble-t-il, une sorte de point d'histoire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder Fra Angelico, au fond, comme l'ont fait les hommes du 19e siècle, mais le voir dans ce qu'est la Florence de cette époque-là, où ces choses-là ne sont pas contradictoires. Exactement. J'ai commencé cette émission par une déclaration d'amour à l'une des grandes œuvres du Louvre, hein, ce couronnement de la Vierge, qui figure en très bonne place dans le très bel album que vous publiez. Ce couronnement de la Vierge a marqué des générations d'artistes, il faut dire. Hein. Il a joué un rôle, quasiment un rôle de manifeste au 19e siècle, précisément. Il entre au Louvre sous Vivant Denon, le ministre de Napoléon, en 1812. Et dès lors, il va connaître une réputation quasi européenne. On a des témoignages. Les frères Schlegel, qui sont donc des acteurs essentiels du romantisme allemand, viennent à Paris le voir. Bref, on vient voir ce qui est au Louvre une nouveauté. Vivant Denon a bien compris qu'autour de lui, les historiens, les artistes revenaient à une forme d'art plus proche de l'idéal de Fra Angelico. On est au tout début de ça. Au tout début de ce goût qu'on va appeler le primitivisme. On va d'ailleurs, au fond, inscrire Fra Angelico dans cette famille des primitifs italiens, alors qu'on le sait, il est aussi un moderne. Mais on va voir essentiellement en lui celui qui a su maintenir à égalité dans sa peinture ce qui vient du gothique et ce qui vient de la modernité toscane du début du 15e siècle. Et donc depuis 1812, c'est-à-dire pratiquement maintenant deux siècles, c'est presque un anniversaire aujourd'hui, ce tableau fait l'admiration des visiteurs et des peintres. Pensez au 19e siècle à Puvis-Chavannes, Maurice Denis, même Gauguin et même un certain Picasso au tout début du 20e siècle. Et à l'inverse, comme vous et moi, les artistes sont allés à Florence. Manet a copié certaines des peintures du couvent Saint-Marc. Donc, Fra Angelico est non seulement une question pour l'histoire de l'art, mais aussi un point d'ancrage. Et une question pour l'histoire du goût. Et c'est ça qui est le cœur même de votre ouvrage, nous allons y venir dans un instant. C'est la fortune posthume, si je puis dire, des grandes œuvres. Pourquoi tel ou tel tableau va-t-il connaître des périodes d'éclipse ou au contraire des moments de très grande vogue? En l'occurrence, ce couronnement de la Vierge est en vogue depuis deux siècles. Hein. Il ne connaît plus d'éclipse, là, maintenant. Plus d'éclipse du tout. ce que j'ai voulu dire à travers ce livre, c'est que rien ne définit mieux une époque que ses goûts et ses dégoûts. C'est-à-dire que chaque époque, la nôtre comme le 19e siècle, classe, reclasse, déclasse. Et que le goût n'est que la résultante de cette oscillation permanente. À la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, ce que Vivant Denon comprend très bien en faisant venir le tableau au Louvre, il y a un goût, un retour au primitif. On considère qu'il y a chez eux une forme de pureté qui s'est perdue. Il faut reconquérir la pureté des anciens, reconquérir la pureté de Fra Angelico. Et le fait que Fra Angelico ait été moine le désignait doublement comme un modèle à suivre. Et tout au long du 19e siècle, à partir des romantiques, et notamment des romantiques allemands qui ont un goût particulier pour les primitifs, pensez aux Nazaréens, notamment ces artistes allemands qui vivent entre l'Allemagne et Rome, eh bien, ce tableau va incarner une perfection à reconquérir. J'aimerais qu'on évoque rapidement quelques œuvres de Fra Angelico avant d'en venir aux autres œuvres de votre livre. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, bel après-midi, au cœur de l'histoire, et Franck Ferrand avec votre invité, l'historien d'art et conservateur au Musée d'Orsay, Stéphane Guégan. Nous continuons de nous intéresser aux œuvres du peintre Frangelico. Nous avons évoqué toutes ces petites fresques des cellules de San Marco à Florence, le célèbre panneau du couronnement de la Vierge qui est au Louvre grâce à Vivant-Denon. Il y a d'autres œuvres de Frangelico qui sont très importantes. Très importantes, même si une partie d'entre elles sont désormais détruites. Je pense notamment à l'épisode romain. Nous savons que Frangelico est enterré à Rome et dès le milieu des années 1440, il est appelé à participer à la rénovation de Rome. Rome a connu toutes sortes de troubles politiques, schismatiques, religieux. Et le pape appelle Frangelico à Rome de façon à ce qu'il travaille à Saint-Pierre et au Vatican. Alors, les chapelles que Frangelico a décorées à Saint-Pierre ont été détruites au moment où la grande église de Rome a été modifié. En revanche, il reste au Vatican. C'est d'une certaine manière la perle du parcours des visiteurs aujourd'hui, qui est la chapelle Nicoline, du nom du pape Nicolas V. C'est au fond son prédécesseur, Eugène IV, qui fait venir Frangelico à Rome, parce que Eugène IV a une certaine tendresse pour les observants. Il est par exemple à Florence au moment où on consacre le couvent Saint-Marc. Il passe une nuit dans la cellule de Médicis. Et donc, très vite, il fait appeler Frangelico à Rome, mais c'est sous Nicolas V, essentiellement, que Frangelico a peint, et notamment cette chapelle Nicoline qui nous intéresse à deux égards. D'abord parce que elle prouve la réputation acquise par Frangelico à la fin de son existence, mais aussi parce qu'elle montre un autre Frangelico, beaucoup moins hiératique, beaucoup moins byzantin, beaucoup moins raide, même si cette raideur est toujours volontaire chez lui, il ne s'agit pas de maladresse. C'est intéressant cette raideur, parce qu'on se demande parfois un peu, justement, si ça n'est pas qu'il ne maîtrise pas parfaitement son art. Vous dites que ça n'est pas de la maladresse, vous? Oui, parce que je pense qu'il y a chez lui la volonté de maintenir ensemble une partie des traditions gothiques et donc ce qui s'ouvre à Florence avec la perspective, la maîtrise de la lumière, la maîtrise du volume en peinture. Il y a une volonté de réconciliation des contraires, comme dans la peinture siennoise. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, longtemps, la peinture siennoise, comme la peinture de Frangelico, va être tenue pour moins moderne, hein, par ceux qui ne s'y reconnaissent pas. Alors que, bien sûr, elle incarne parfaitement ce que les moines ou le pape attend de cet artiste-là. Au fond, pour les observants comme pour le pape, il s'agit toujours de maintenir ensemble la foi et la science. La foi, c'est ce que Frangelico a appris durant son noviciat. La science, c'est la science des modernes. Mais tout de même, un certain nombre de ses contemporains sont incomparablement plus habile dans le traitement de certains détails, dans une certaine souplesse, dans un modelé, etc., qu'on ne trouve effectivement pas chez lui. Alors vous dites c'est volontaire, on pourrait presque dire que son adresse a été d'être maladroit, c'est ça, voilà. À volonté. Ah bon, à volonté. Et cette maladresse, cette fausse maladresse, est devenue une preuve d'innocence, une preuve d'authenticité au XIXe siècle. Précisément parce que on recherchait quelque chose qui ne soit plus académique, qui ne soit plus de l'ordre du savoir institué, du savoir-faire. Frangelico est devenu l'incarnation d'une forme d'authenticité parce que cette maladresse a été perçue comme le signe même, au fond, d'un artiste qui ne voulait pas s'inscrire dans le savoir-faire académique du XVe siècle. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de votre livre, car Frangelico n'est qu'un chapitre, un des cent tableaux que vous nous proposez. Alors vous étiez venu parler dans cette même émission il y a quelque temps, il y a 2 ans je crois, des 100 tableaux qui ont fait scandale. Hein, je ne sais plus quel était le titre exact, hein, c'est ça, les 100 tableaux qui ont fait scandale. Et alors là, j'ai envie de dire, on franchit une étape, on va encore plus loin dans la subtilité, puisque ce sont maintenant les 100 tableaux qui ont fait le goût, d'une certaine manière. Qui ont formé notre goût moderne, et qui prouvent surtout que le goût n'est qu'un incessant reclassement. C'est-à-dire que ce qui faisait l'admiration des hommes au début du XIXe siècle, Guido Reni, Les Carraches, Raphaël, n'est plus nécessairement aujourd'hui, au fond, le canon partagé par le grand public. Il suffit d'examiner le succès des expositions récentes. On va plutôt, au fond, vers les primitifs que vers les grands hommes de la Renaissance. Même l'exposition autour de la Sainte-Anne de Léonard n'a pas eu le succès de Mantegna, par exemple, ou le succès d'expositions consacrées aux primitifs italiens. Donc, nous sommes toujours, au fond, sujets à ces oscillations du goût. Ce que j'ai voulu dire, c'est ne pas simplement les constater, mais les expliquer. Hein, et expliquer pourquoi, tout d'un coup, une œuvre ressurgit, pourquoi un mouvement est oublié au profit d'un autre, pourquoi chaque époque tient à modifier la hiérarchie de l'époque précédente. C'est ça qui est intéressant, parce que nos reclassements, nos rejets, au fond, définissent le goût, mais permettent surtout de nous comprendre, de comprendre chaque époque. Ce livre est autant d'occasions de redécouvrir des tableaux, parfois même de les découvrir d'ailleurs, car vous allez chercher certains peintres un peu moins connus, en tout cas du grand public. Et ce qui est magnifique, c'est que vous portez sur chacun un regard qui nous l'éclaire. C'est-à-dire que chaque tableau devient en quelque sorte une histoire. Ça c'est assez passionnant. Alors, vous commencez par tous ceux qu'on avait rejetés, en quelque sorte, qu'on avait collés au grenier de l'histoire et du goût. Oui, à vrai dire, les plus fameux sont aujourd'hui ce qu'on appelle les peintres pompiers. Bien sûr. Hein. Moi, je suis au musée d'Orsay depuis une vingtaine d'années. Je me souviens encore des débats que les pompiers suscitaient à l'ouverture du musée en 1986, donc quelques années après la béatification de Fra Angelico. Eh bien, eux étaient toujours diabolisés comme ceux qui avaient incarné le mauvais goût du 19e siècle, le goût bourgeois, précisément l'artifice, le savoir-faire, la perte. Non seulement de l'inspiration, mais de l'innocence. Et à l'inverse, on ne prisait que Manet, les impressionnistes, les symbolistes. Vous appelez les canonisés. Les canonisés, voilà, précisément. Il y a les fusillés de l'histoire et c'est les canonisés. Au fond, l'histoire de Fra Angelico nous éclaire plus largement sur les procédés de l'histoire de l'art, hein, sur la façon dont nous avons toujours classé et déclassé les artistes. Quand vous nous dites, par exemple, que Matthias Grunewald ou que Georges Latour sont devenus des espèces de gourous, est-ce que ça n'est pas déjà dépassé d'une certaine manière? Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller encore vers autre chose de nos jours? Oui, je pense que notre époque cherche d'autres gourous à suivre. Je pense bien sûr à Basquiat, qui a été d'une certaine manière canonisé parce que non seulement c'est un artiste intéressant, important, mais parce qu'il est mort d'une certaine manière comme Masaccio ou Raphaël. Avant de vieillir, hein. Il est mort dans la force de l'âge. Et Basquiat est devenu un saint moderne. Il était dans mon précédent livre parce que je l'avais rapproché précisément de ces artistes qui relèvent à la fois du primitivisme. Basquiat est un artiste qui s'inscrit dans cette mouvance. Et puis de cette mythologie interne à l'histoire de l'art qui fait que les artistes qui meurent jeunes, sont rapidement canonisés. Et donc ne pensons pas que notre époque est étrangère à cette logique du classement et du reclassement. Nous baignons dans cette volonté, dans cette obsession même, d'ériger en saint patron des artistes de notre époque. Alors, vous consacrez des pages très intéressantes à tout ce qui peut être kitsch, à tout ce qui est volontairement de mauvais goût et qui fait avancer le goût aussi, bien entendu. J'aimerais juste m'attarder pour la minute qui nous reste sur le cas des femmes, car ça répond à l'une des questions que nous nous posions à ce même micro il y a quelques jours sur l'absence des femmes en peinture. Eh bien non, dites-vous, il y en a quand même. Elles sont très présentes et très tôt. Certaines étaient même, comme vous le savez, académicienne, dès le XVIIe siècle. Il y avait un numerus clausus au XVIIe et au XVIIIe siècle. On n'acceptait pas plus de 5 femmes à l'académie. C'est la Révolution, bien sûr, qui va mettre à bas tout ça. Et dès les années thermidoriennes, c'est-à-dire les années du directoire et du consulat, elles vont être très nombreuses au salon, à livrer une compétition, au fond, de tous les instants, aux artistes masculins. Hein, donc, il ne faut pas penser que le 19e siècle, et plus encore le 20e siècle, ont libéré les femmes, les ont autorisées à enfin saisir les pinceaux pour s'exprimer. Et le plus bel exemple, j'y insiste parce que c'est un artiste majeur, c'est Vigée Lebrun. Vigée Lebrun, portraitiste de la Madame reine Marie-Antoinette, Lebrun, donc, voilà, et qui va quitter la France en 1789 et continuer sa carrière, une carrière merveilleuse, tout à travers l'Europe, et donc affronter la rivalité des artistes en Autriche, en Italie, à Londres, en Russie, et chaque fois, donc parvenir à maintenir sa peinture au plus haut niveau et surtout toucher les plus grands mécènes de l'époque. 100 tableaux à éclipse, les caprices du goût en peinture par Stéphane Guégan avec Delphine Storelli. C'est édité chez Azan et c'est une très très belle promenade dans toutes les beautés. Vous restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Franck Ferrand, vous répondrez à la question de Nanou qui s'interroge sur les origines des 13 desserts provençaux. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et en ce vendredi après-midi, au cœur des fêtes de fin d'année, Franck Ferrand, vous répondez à la question de Nanou qui, via la page Facebook de l'émission, souhaite que vous reveniez sur l'histoire des 13 desserts provençaux. Oui, à croire que Nanou m'a vu sécher lamentablement à la télévision avant-hier sur cette question des 13 desserts provençaux. Alors là, maintenant, je suis devenu un expert de la question. Évidemment, on est en période hivernale, mais ça n'empêche pas de fêter Noël en grande pompe. Et en Provence, on veut montrer à ses invités, depuis le Moyen-Âge, qu'on dispose d'assez de ressources pour passer la saison. Donc chaque famille va présenter toutes les denrées dont elle dispose et qui vont s'apparenter ensemble à un dessert. C'est plutôt ça que 13 desserts. C'est un dessert constitué par 13 friandises d'une certaine manière qui sont servies le soir du réveillon de Noël. Depuis le XXe siècle, la Provence s'étant urbanisée, il devenait de plus en plus difficile de remplir la table, donc on a limité le nombre de desserts à 13. 13 comme la Seine, si vous voulez, hein, les 12 apôtres plus le Christ. La composition varie cependant d'une ville à une autre. Alors on retrouve des constantes. Les mendiants, par exemple, avec des fruits secs, dattes, figues, abricots, amandes et noisettes, très prisés dans la région et dont la couleur rappelait celle des robes des ordres mendiants, les franciscains, les dominicains, les augustins, les carmes. C'est pour ça qu'on utilisait ce terme de mendiant. On peut ajouter à ça des fruits de saison, l'orange, la clémentine, la pomme, la poire, le nougat blanc ou noir, les calissons d'Aix-en-Provence, bien entendu, et des pâtes de fruits. Et je n'oublie pas, cette fois, les figues, bien entendu.